Chapitre 4. Deux jours s'étaient écoulés dans la félicité la plus complète, car Gabrielle jouissait du bonheur inestimable de posséder son mari près d'elle depuis le matin jusqu'au soir, lorsqu'à souper, le vieux duc, sortant de son mutisme ordinaire, s'adressa soudain à son fils. « N'est-ce pas demain, lui dit-il, que vous rejoigniez votre régiment ?»« Demain, fit Gabrielle qui devint pâle de crainte. « Je croyais que le marquis resterait ici. » Le marquis sourit tendrement à sa femme. « Non, ma chère, je ne saurais passer l'hiver ici, et vous-même n'avez pu concevoir cette espérance. Vous savez que j'appartiens à mon régiment avant d'appartenir à ma famille. »« Mais votre régiment n'est-il pas à Paris ?» fit timidement la pauvre Gabrielle, essayant de se raccrocher à une paille en guise d'espérance. « Aussi, ma chère, aurai-je le plaisir de venir très souvent vous rendre visite, » dit le marquis avec la dernière courtoisie. Gabrielle baissa les yeux sur son assiette et cessa de manger, car elle n'avait plus faim. Les deux heures qui la séparaient du repos lui parurent longues. Prétextant un malaise, elle s'était réfugiée dans sa chambre, sa grande chambre lambrissée de chêne, haute de plafond, sombre de couleurs, où la clarté des bougies n'éclairait qu'un petit espace relativement à l'ampleur de l'appartement. Étendue sur son grand lit d'apparat, auquel on arrivait par un marchepied, elle pleurait silencieusement, le visage caché dans son mouchoir pour étouffer ses pleurs, quand le marquis entra enfin, fredonnant un air d'opéra. Voyant sa femme sur le lit, il s'arrêta, car il craignait de l'avoir éveillée, et le marquis était un époux modèle. « Guy, je ne dors pas, » dit Gabrielle en essayant de rendre à sa voix son timbre habituel. Le marquis s'approcha du lit et baisa la main de sa femme. Celle-ci s'appuya sur le coude et garda la main de son mari dans la sienne. « Tu t'en vas ?» lui dit-elle à voix basse, d'un ton si doux, si triste, que le marquis en fut ému. « Il le faut bien, ma mignonne, » répondit-il en pliant le genou pour être au niveau du joli visage suppliant tendu vers lui. « Et moi, je vais rester seul ici avec ton père. Ce sera bien triste. » « Vous aimez donc beaucoup la compagnie ?» fit le marquis, croyant détourner la conversation en plaisanterie. Mais le regard découragé de Gabrielle lui fit baisser les yeux, et il déposa un baiser sur la joue pâlie de sa jeune femme. « Tu as pleuré » s'écria-t-il. « Ton visage et ton oreiller sont humides. Tu as pleuré ? Qui a pu te faire du chagrin, ma Gabrielle chérie ?» La jeune femme n'essaya plus de se contenir. Elle détourna la tête, et ses sangles retentirent, douloureux et pressés. Le marquis l'avait prise dans ses bras. Il essayait vainement de rencontrer le regard de Gabrielle. Celle-ci tenait ses yeux obstinément baissés pendant que les pleurs ruisselaient sur ses joues et sur les mains de son mari. « Qu'as-tu ? » dit encore celui-ci. « Parle, mon enfant, que t'a-t-on fait ?»« Tu le demandes ? » s'écria Gabrielle, arrachant la vérité de son cœur torturé. « Tu le demandes ? Mais tu m'abandonnes, et moi je t'aime !» Ce cri avait si bien l'accent de la passion que le marquis en fut remué jusqu'au fond de l'âme, qu'il n'avait pas méchante. Il s'efforça de prouver à sa femme qu'il était contraint par le devoir, qu'en réalité elle jouirait beaucoup plus de sa présence qu'à Paris, où souvent ils ne se voyaient qu'à de rares intervalles, tant le tourbillon mondain leur prenait de temps. Il parla de son amour, de l'enfant qui devait naître, il promit de venir souvent. Il fut si éloquent que Gabrielle, convaincue mais non consolée, finit par lui dire « Eh bien, puisque c'est nécessaire. Va, mais ne m'oublie pas. » L'oublier, certes, non. Le marquis était bien loin de penser à l'oublier. Une femme si belle, si aimante, si dévouée. Il partit le lendemain, cependant, et rentra à Paris, où les officiers de son régiment lui donnèrent un souper splendide. « Nous avons reconquis le marquis de Morez, » s'écrièrent-ils en chœur au moment des libations. « Morez est à nous !» Au même moment, Gabrielle, inquiète, sentait confusément remuer en elle l'enfant de Guy. Quand elle se fut bien assurée qu'elle ne se trompait pas, elle se sentit pleine d'une joie inconnue, puis la tristesse la reprit soudain. « Il devrait être là, » se dit-elle. « Pense-t-il seulement à moi ?» Hélas non, le marquis en ce moment ne pensait point à elle. Chapitre 5. L'hiver était venu, la neige blanchissait la route qui menait à Paris. Les grandes cheminées où le vent s'engouffrait en hurlant envoyaient leur fumée bleuâtre dans le ciel triste, et Gabrielle, assise à sa fenêtre, attendait la visite de son mari. Depuis 3 mois qu'elle habitait Morez, la jeune femme avait appris bien des choses. Elle avait appris que la pire solitude n'est point celle du couvent, que le mariage n'est pas la fête perpétuelle qu'elle avait rêvée, que l'amour d'un mari dans le grand monde de cette époque n'était qu'un feu de paille brillant et fugitif, et que ceux qui n'ont jamais connu la joie sont moins à plaindre que ceux qui l'ont perdue. Gabrielle faisait ses réflexions sur elle-même, et sa tristesse augmentait à mesure que diminuait le jour blafard de décembre. Avec le jour, en effet, elle voyait disparaître l'espoir de voir son mari ce jour-là. Et alors, quand le verrait-elle? Une ou deux fois déjà, le marquis avait promis de venir, et il ne s'était point montré. Alors, Gabrielle avait reçu un petit billet bien tendre, galamment tourné, mais la visite s'était fait attendre. En serait-il de même aujourd'hui? La maison était morne. Le vieux duc n'avait pu y tenir. Son Paris et surtout son Versailles lui manquaient par trop. Un beau matin, s'excusant de ne pouvoir tenir compagnie à sa belle-fille, il avait fait atteler son carrosse et depuis on ne l'avait point revu. Cette absence, d'ailleurs, ne pesait guère à Gabrielle. Son beau-père lui paraissait un phénomène mystérieux et quelque peu effrayant. Qu'on pût vivre à ce point renfermé en soi-même, qu'on restât 3 jours sans proférer d'autre parole que celle d'une indispensable politesse, et qu'avec cela on ne pût exister loin de la présence d'un roi, tout cela était par trop extraordinaire, et Gabrielle avait renoncé à le comprendre. Cependant, à de certains jours, la pauvre petite marquise se prenait presque à regretter cette figure austère, si peu avenant qu'il fût, c'était un visage. La jeune femme se mit alors à penser au couvent, à ce couvent qui jadis lui paraissait si noir, et qui maintenant s'illuminait de toute la lumière étincelante de la jeunesse. C'est là que Gabrielle avait été heureuse, là qu'elle avait tramé d'innocentes malices, inventé de joyeux passe-temps, depuis qu'elle était loin, la chambre nuptiale tendue de bleu et d'or, où la jeune marquise avait remercié Dieu avec tant d'effusion le jour de son mariage, qu'il était loin, l'époux empressé, plus amant qu'époux, pensait-elle, et c'était vrai, hélas, car il avait oublié sa femme comme on oublie une maîtresse. Tout à coup, un point noir se détacha sur la blancheur de la route. Gabrielle se souleva et regarda de tous ses yeux. Ce n'était pas un carrosse. C'était un homme à cheval qui gravissait à bride abattue la rampe du château. À peine, dans l'obscurité croissante, distinguait-on le cheval du cavalier. « Un messager !» pensa Gabrielle en se laissant retomber sur sa chaise. « Il ne viendra pas !» Une grosse larme roula sur les mains jointes de la jeune femme. « Si l'enfant était né seulement, se dit-elle, quand il sera là, je ne serai plus triste. » Le galop du cheval résonna sur les pierres de la cour. Gabrielle essaya de distinguer le messager, mais la nuit était venue, elle ne vit rien. « L'enfant, » continua-t-elle, pendant qu'une autre larme suivait la première. « Pauvre petit, c'est lui qui sera ma consolation. » La porte s'ouvrit toute grande et sur le fond lumineux du corridor, éclairé par les valets chargés de candélabres, une mâle figure se détacha en noir. « Marquise, » dit la voix joyeuse de Guy, « je suis venu vous surprendre dans votre thébaïde. »« Guy ?» s'écria la jeune femme en s'élançant vers lui. Mais la présence des valets l'arrêta. « Vous me faites grand plaisir et grand honneur, monsieur le marquis, » fit-elle avec une révérence. Les valets s'étaient retirés. Un flambeau brûlait sur la table. La porte était refermée. Le marquis s'approcha de la jeune femme et la prit dans ses bras avec passion. « Je suis venu, » dit-il, « parce que j'ai pensé que tu devais t'ennuyer sans moi, parce que je mène là-bas une joyeuse vie, tandis que toi... » Il frissonna, et rit de son frisson, en jetant un regard sur les murailles sombres. « Bref, madame, je suis venu parce que je vous adore et que j'avais envie de vous le dire. M'accorderez-vous l'hospitalité pour cette nuit ?»« Oh, Guy !» murmura Gabriel, suspendu à son cou. « Mon ami, mon mari, que tu es bon d'avoir pensé à moi, que je t'aime. Es-tu venu ainsi, à cheval, de Paris ?»« Un franc étrier, ma belle marquise, avec 2 relais. Mais que ne ferait-on pas pour obtenir un tel accueil ?»« Et maintenant, ma chère, faites-nous souper, car je meurs de faim. » Gabriel passa 24 heures dans un rêve de bonheur. Chapitre 6e. Si la marquise avait connu le véritable motif qui avait amené son mari près d'elle, à Franck Étrier, ce jour-là, sa joie eût été sensiblement diminuée. La veille au soir, une joyeuse société s'était donné rendez-vous à l'hôtel de Morez, où le marquis traitait ses amis. Après souper, comme il arrive, on se mit à jaser, et l'on parla trop, ce qui n'est pas rare non plus. « Voyez, messieurs, » s'écria un jeune fou de 20 ans, « voyez ce que valent les femmes. Ma maîtresse m'a trahi hier, et je vous le demande, pour qui ?»« Pour lui, » ajouta-t-il en désignant du doigt un homme d'environ 40 ans, ventru, moustachu, peu élégant de forme et d'allure, et cependant fort authentiquement noble à 16 quartiers. Un éclat de rire accueillit cette saillie. « Si elle m'a préféré, répartit le gros homme, c'est qu'apparemment elle m'a trouvé du mérite. Mais sois sans crainte. Elle me trahira demain pour un autre qui aura d'autres mérites, ou les mêmes, peu importe, ou même pas de mérite du tout. » Les femmes sont les suppôts de Satan, cria un troisième d'une voix enrouée à l'autre bout de la table. Toutes, répétèrent les jeunes gens. Pardon, pardon, fit d'un air grave un cheval léger qui se tenait les deux mains à la table pour ne pas rouler dessus. J'en accepte nos mères. Accordé, répliqua le gros homme. Et nos femmes, ajouta le jeune étourdi. Et nos sœurs, lança un troisième. Tout le monde alors, s'écria un des plus gais. Ce n'est plus la peine de les condamner si on les accepte toutes. Pas toutes, mais voici Maurès qui possède un trésor de femmes, la plus jolie marquise qu'on puisse voir. Une femme qui devrait être le plus beau joyau de la cour. Elle est vertueuse, elle l'adore et il la cache. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste, répéta le cœur. Est-il heureux, ce Maurès, et un bonheur si peu mérité? Je suis, messieurs, dit le marquis avec un grain de fatuité, beaucoup plus heureux qu'on ne croit. Car si, comme vous le dites, j'ai une épouse charmante, il s'arrêta un instant et promena autour de la table un regard satisfait, j'ai une maîtresse presque aussi belle et tout aussi fidèle. Ah, l'insolent bonheur, cria-t-on de toutes parts, Maurès, c'est trop de deux, qui est-elle? Je n'ai garde de vous le dire, vous me l'apprendriez, mais je puis vous montrer son portrait, nul de vous ne la connaît. Il tira de sa poche une tabatière, ornée à l'intérieur du couvercle d'une jolie miniature de femme. La tabatière fit le tour de la table. Au moment où elle arrivait à l'un des assistants, un éclat de rire retentit. « Ah, le bon billet !» s'écria celui qui avait protesté en faveur des mères. « Eh bien, » fit Maurès en fronçant le sourcil, car il n'aimait pas la raillerie quand elle tombait sur lui. « Eh bien, mon cher, ta maîtresse est fidèle ? Certes. C'est elle qui t'a donné ce bijou ? Oui, eh bien. » Le cheval léger tira de sa poche une boîte semblable, la plaça à côté de l'autre, couvrit les deux de son mouchoir de poche et s'adressant au marquis d'un air grave. « Tu peux choisir au hasard, mon cher, quoi que tu prennes, tu y trouveras le portrait de ta belle. » Un rire fou gagna les convives, et Maurès lui-même, malgré sa déconvenue, ne put s'empêcher de rire comme les autres. L'épreuve fut faite et donna raison au cheval léger, qui n'ayant pas les mêmes motifs pour garder le silence, racontant en long et en large l'histoire de la petite bourgeoise pour laquelle il avait des bontés. « Eh bien, soit !» fit le marquis d'un air dégagé qui cachait son dépit. « En mettant les choses au pire, il me reste ma femme. »« Et tu es un grand scélérat de n'être pas à ses pieds, » ajouta le protecteur de la morale. « Quand on possède une femme comme la tienne, mon cher, on devrait s'abstenir de courir sur les brisées des autres. » Maurès regarda ses manchets d'un air fat, et la conversation dériva. Le lendemain, ayant arrangé ses affaires pour une courte absence, il partit à Franquetrier pour arriver plus vite. C'est à cette soirée de garçon que Gabriel avait dû la visite inopinée de son mari. Heureusement, la pauvre enfant ignorait et devait ignorer l'épisode de la tabatière à portrait. Mais quand le marquis la quitta, il était déjà là de son rôle d'amant. Gabriel n'était pas coquette. Elle disait tout bonnement « Je t'aime » à son mari, parce que c'était son mari et qu'elle l'aimait. Or, ce n'était pas là ce qui pouvait amuser le marquis.